50 languages. 97. 97. 97. أدوات الربط رقم 4. Conjonction 4. Conjonction 4. لقد وافاه النوم مع أن التلفاز كان يعمل. Il s'est endormi, quoique la télévision ait été allumée. Il s'est endormi, quoique la télévision ait été allumée. لقد بقي مع أن الوقت كان متأخرا. Il est encore resté, quoiqu'il était déjà tard. Il est encore resté, quoiqu'il était déjà tard. لم يأتي مع أننا كنا على موعد. Il n'est pas venu, quoique nous nous soyons donné rendez-vous. Il n'est pas venu, quoique nous nous soyons donné rendez-vous. لقد غلبه النوم والتلفاز شغال. La télévision était allumée, malgré tout. Il s'est endormi. La télévision était allumée. Malgré tout, il s'est endormi. Il était déjà tard. Malgré tout, il est encore resté. Il était déjà tard. Malgré tout, il est encore resté. لقد كنا على موعد. ومع ذلك لم يأتي. Nous nous étions donné rendez-vous. Malgré tout, il n'est pas venu. Nous nous étions donné rendez-vous. Malgré tout, il n'est pas venu. مع أنه لا يملك رخصة قيادة يقود سيارة. Quoiqu'il n'ait pas de permis de conduire, il va en voiture. Quoiqu'il n'ait pas de permis de conduire, il va en voiture. مع أن الشارع زلق يقود سيارته بسرعة. Quoique la route soit verglacée, il roule vite. Quoique la route soit verglacée, il roule vite. مع أنه في حالة سكر يركب الدراجة. Quoiqu'il soit ivre, il fait de la bicyclette. Quoiqu'il soit ivre, il fait de la bicyclette. إنه لا يملك رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة. Il n'a pas de permis de conduire. Malgré tout, il va en voiture. Il n'a pas de permis de conduire. Malgré tout, il va en voiture. الشارع زلق ومع ذلك يقود سيارته بسرعة. La route est verglacée. Malgré tout, il roule vite. La route est verglacée. Malgré tout, il roule vite. إنه سكران ومع ذلك يركب الدراجة. Il est ivre. Malgré tout, il fait de la bicyclette. Il est ivre. Malgré tout, il fait de la bicyclette. لم تجد وظيفة مع أنها أتمت دراستها. Elle ne trouve aucun emploi, quoiqu'elle ait fait des études. Elle ne trouve aucun emploi, quoiqu'elle ait fait des études. لا تزور الطبيب مع أنها تتألم. Elle ne va pas chez le médecin, quoiqu'elle souffre. Elle ne va pas chez le médecin, quoiqu'elle souffre. لقد اشترت سيارة مع أنها لا تملك نقودا. Elle achète une voiture, quoiqu'elle n'ait pas d'argent. Elle achète une voiture, quoiqu'elle n'ait pas d'argent. لقد أنهت دراستها ومع ذلك لم تجد وظيفة. Elle a fait des études. Malgré tout, elle n'a pas trouvé d'emploi. Elle a fait des études. Malgré tout, elle n'a pas trouvé d'emploi. إنها تتألم ومع ذلك لا تزور الطبيب. Elle souffre. Malgré tout, elle ne va pas chez le médecin. Elle souffre. Malgré tout, elle ne va pas chez le médecin. لا تملك نقودا ومع ذلك تشتري سيارة. Elle n'a pas d'argent. Malgré tout, elle achète une voiture. Elle n'a pas d'argent. Malgré tout, elle achète une voiture.